الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لوتر rahimahullahu ta'ala, barakallahu fi, nous dit Allah l'a envoyé pour l'ensemble de l'humanité sans exception et a rendu obligatoire son obéissance à l'ensemble des êtres responsables, les djinns et les humains. Naam, les djinns et les humains. Et la preuve se trouve dans la parole d'Allah le Très-Haut, dit aux gens, je suis pour vous, ou bien je suis pour vous tous l'envoyé d'Allah. Naam. Hada min khasa'is al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. حيث بعثه الله تبارك وتعالى للناس كافة إنسهم وجنهم قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وفي الصحيحين عن جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وآخر ما ذكر وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عامة. Donc l'auteur nous cite ici un des grands mérites de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et une de ses particularités. J'entends par cela que son message est général, il a donc été envoyé à l'ensemble des gens. Et cela contrairement aux envoyés avant lui. Ces derniers étaient envoyés à leur peuple tout particulièrement. L'auteur ici nous a cité un verset, ô vous les gens, je suis pour vous tous l'envoyé d'Allah. Allah nous dit également dans le Coran, nous t'avons envoyé que pour l'ensemble des gens en tant qu'annonciateur et avertisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans le recueil d'Imam Bukhari, Imam Muslim, selon Jabir, il m'a été donné 5 choses qu'aucun avant moi n'avait eues. Et la 5e chose, il nous dit, avant moi, les prophètes étaient envoyés tout particulièrement à leur peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Quant à moi, j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Et de nombreuses preuves nous montrent cela. Wa kammala Allahu bihi ad-din. L'auteur nous dit par son intermédiaire, Allah a parachevé la religion. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. La preuve de cela est la parole d'Allah, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية رحمه الله تعالى هذا أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل لهم تعالى دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلام عليه. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans l'explication de ce verset, nous dit: et ceci est le plus grand bienfait d'Allah sur cette communauté, car il a complété pour eux leur religion. Ils n'auront donc plus besoin, après cette religion, d'autres religions. Et après ce prophète, d'un autre prophète. فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ. Il n'y a pas de choses licites si ce n'est ce qu'il nous a rendu licite, ni d'illicite si ce n'est ce qu'il nous a rendu illicite. وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَ. Et il n'y a pas de religion si ce n'est ce qu'il a légiféré. وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه. Il nous dit également: et tout ce dont il nous a informé n'est que vérité et véracité, et il n'y a aucune faute ou bien aucun mensonge. Loin, il nous dit: فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُمْ الدِّينَ تَمَّتْ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةُ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a complété la religion, parachevé cette religion, le bienfait tout entier s'est accompli. C'est pour cela que dans le verset, il nous dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et fait suivre cela de: j'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous comme religion l'islam. Et concernant la fin du verset, ou bien concernant la fin de l'explication, il nous dit: ay fardou antum li anfusikum. Donc, on nous dit, c'est comme si on nous disait ici: donc agréez-vous, yani du fait qu'Allah agrée cette religion pour vous, vous aussi, vous devez l'agréer pour vous-même. Car c'est la religion qu'Allah a aimée, la religion qu'Allah a agréée, et celle avec laquelle il a envoyé le meilleur des messagers, et sur lui que fut révélé, et c'est sur lui que fut révélé le plus noble des livres. فإنه دين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. ابن عثيمين رحمه الله تعالى نجي: فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاج به في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. خرجه الطبراني وصححه العلامة الألباني. ابن عثيمين رحمه الله تعالى نجي: le message d'Allah صلى الله عليه وسلم n'est pas mort avant qu'Allah سبحانه وتعالى, ou bien avant qu'il nous ait démontré, avant d'avoir démontré parfaitement à cette communauté tout ce dont elle avait besoin. Au point où Abu Dhar radiallahu anhu nous dit: il n'a même pas laissé un oiseau voler sans nous donner de ses ailes une science. Il n'a pas laissé un oiseau voler dans le ciel sans nous citer de cette situation une science. وقال رجل لسلمان الفارسي, et un homme a dit à Salman al-Farisi: علمكم نبيكم حتى الخراه. قال نعم لقد نهانا ان نستقبل بغائط او ببول أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم. أنا ما جاء سلمان الفارسي vous votre prophète vous a tout enseigné même le comportement à avoir lorsque vous faites vos besoins. Alors Salman radiallahu anhu a répondu en effet il nous a interdit de nous diriger vers la Qibla lorsque nous faisons nos besoins ou de nous essuyer avec moins de trois prières ou de nous essuyer avec la main droite ou avec Amada des impuretés de bêtes ou des eaux. Rapporté par l'imam muslim. Ensuite, l'auteur nous dit, وَالدَّلِلُ عَلَى مَوْتِي قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. La preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, la parole suivante d'Allah, certes tu mourras, et ils mourront, puis le jour de la résurrection, vous réglerez vos divergences auprès de votre Seigneur. هنا يخبر الله سبحانه وتعالى أو يخبرنا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت بمعنى مقتل. أما ميت هكذا يعني مار. طيب إذن وبعد الموت البعث والموعد عند الله سبحانه وتعالى تجتمع عنده الخصوم. Ici dans ce verset الله سبحانه وتعالى nous informe que son prophète fait partie des mortels. وَهَكَذَا نَحْنُ مَيِّتُونَ. Tout comme nous sommes des mortels. Après cela, nous revenons tous vers Allah subhanahu wa ta'ala et c'est auprès de lui que se réuniront les gens ayant eu des divergences. Et Allah subhanahu wa ta'ala secourra la vérité. طيب. Les gens de la foi contre les gens de la mécréance, les gens de la sunna contre les gens de l'innovation, wahakada. Et Allah donnera à chacun son droit, wahu al-hakim al-alim. Après cela, l'auteur nous dit, وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Lorsque les gens mourront, ils seront ressuscités. Preuve est la parole suivante d'Allah. C'est d'elle que nous vous avons créé. C'est en elle que nous vous remettrons, puis nous vous en ferons ressortir une nouvelle fois. طيب. ذكر هذا المؤلف رحمه الله تعالى لأن في زمانه بعض الناس شكوا أو أنكروا البعث. طيب وكان رحمه الله تعالى يؤلف للحاجة لا لمجرد التأليف لكمال نصحه بهذه الأمة رحمه الله تعالى. ومعنى البعث لغة التحريك والإثارة واصطلاحا الاعتقاد الجازم بإعادة الله الأرواح إلى الأجساد بعد موتها وإخراجها من القبور للحساب والجزاء. البعث la résurrection c'est le fait d'avoir la ferme croyance quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les morts et leur rendre leurs âmes. Et nous, on va remettre les âmes dans les corps et ils seront ressuscités le jour de la résurrection. Donc après leur mort, Allah Azza wa Jal les fera revivre à nouveau. On va remettre les âmes dans les corps. On va les faire sortir de leur tombe, les amener à la place du jugement dernier pour les juger et les rétribuer. Voici la foi ferme que nous devons avoir. Et on a déjà étayé ce point-là dans le passage sur les points de la foi. Al-imanu bil-yawmil akhir. Et ici, il y a donc ce pilier des piliers de la foi, le cinquième pilier, na'am, de la foi. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة منها خلقناكم منها أي من الأرض. Donc c'est d'elle que nous vous avons créé, c'est-à-dire de la terre. Est-ce que vous avez été créé de la terre? On parle de qui ici? Hein? Vous? Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit qu'on a été créé d'une goutte. Comment on unit entre ce verset et les autres versets? Adam alayhi salam. Minha khalaqnakum ay Adam alayhi salam. Fa wa asluna wa abuna alayhi salam. Donc c'est d'elle que nous vous avons créé, c'est-à-dire c'est de la terre que nous avons créé Adam, votre base, votre père. Wa fiha nu'idukum ay fil ard. Mata. Et donc et c'est vers elle que vous retournerez. C'est en elle que nous vous remettrons. À quel moment? Après la mort, lors de l'enterrement. Lors de l'enterrement. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Puis, nous vous en ferons ressortir une nouvelle fois. À quel moment? Lors de la résurrection. Lors de la résurrection. نعم. البعث يوم القيامة. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Il y a également la parole d'Allah le Très-Haut, et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y renverra pour finalement vous en ressortir. Ce verset, comme a dit Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, contient exactement le sens du verset précédemment cité. D'accord? C'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y renverra, donc au moment de la mort et de l'enterrement, pour finalement vous en ressortir. يوم القيامة عند البعث. طيب, lors de la résurrection. وآية الميعاد ذكرت في القرآن مرارا وتكرارا. طيب. Et les versets concernant la résurrection et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala sont cités de nombreuses fois dans le Coran, afin que cette croyance soit bien ancrée dans le cœur du croyant. Et remarquez que dans Suratul Fatiha, il y a Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Maliki yawmiddin. 17 fois par jour, tu récites ce verset afin que soit ancrée cette croyance dans ton cœur. Aussi, ça te pousse à te préparer, litasta'id liliqa'illah, pour que tu te prépares à rencontrer ton Seigneur, celui qui a su, qui a vu toutes tes actions, a entendu toutes tes paroles, celui vers qui se fera ton retour, celui qui t'interrogera, celui devant ou celui qui te jugera. Na'am. Donc celui qui lit le Coran verra de nombreux versets. Et cela, yani sur le retour vers Allah, cela doit le pousser à se repentir, doit le pousser à préparer ses provisions pour la rencontre d'avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Wa nadhkuru fa'ida barahin al-ba'th fi al-Qur'an. طيب. Quelles sont les preuves dans le Coran ou les méthodes utilisées dans le Coran pour démontrer la résurrection, que la résurrection aura lieu, que nous serons ressuscités, ramenés chez Allah et jugés. Plusieurs méthodes ont été utilisées dans le Coran. خلق السماوات والأرض قال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Parmi les méthodes utilisées pour démontrer que cette chose est vérité, la création des cieux et de la terre. La création des cieux et de la terre. Allah nous dit dans Sourate Yassine, celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de créer leurs semblables? Mais si, c'est le grand créateur, le savant. خَلْقُ الْإِنسَانِ أَوَّلًا. Deuxièmement, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait créé l'homme une première fois. Il y a dans cela une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement capable, après sa mort, de le faire revivre. Car il l'a une première fois créé à partir de rien. قَالَ تَعَالَى قُلْ يُحْيَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Lorsque les gens ont dit, qu'est-ce qui pourra faire revivre ces gens alors qu'ils ne seront que ossements. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, encore dans Sourate Yassine, dit, les fera revivre celui qui les a fait venir ou celui qui les a créés une première fois. Et il est parfaitement connaisseur de toute créature. Et dans un autre verset, قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Dans Sourate Ar-Rum, Allah nous dit, c'est lui qui commence la création, puis la renouvelle, et cela est encore plus facile, encore plus simple. Quelqu'un qui dirait, je sais qu'Allah nous a créés, mais je n'ai pas foi au fait qu'Allah va nous faire revivre après la mort. On lui demande, quelle est la chose la plus simple, avec ta raison? Est-ce que c'est de créer une chose à partir de rien ou la faire revivre à partir de quelque chose? C'est quoi la chose la plus simple? Hein? La faire revivre à partir de quelque chose. وَالْكُلُّ يَسِيرٌ عَلَى اللَّهِ. Et tout cela est simple pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلِيمٌ. Car Allah est savant et parfaitement capable, omnipotent subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ الْبَرَاهِنِ أَيْضًا إِحْيَاءُ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا. Parmi les preuves de la résurrection, le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse revivre la terre, d'accord, après sa mort. Vous passez tous, vous voyez tous en hiver ce qui se passe et la succession des saisons, d'accord. Et vous voyez, yani, celui qui habite en face, yani, d'un arbre, subhanallah, tu passes un moment, il n'y a rien, aucune feuille. Et tu repasses à un autre moment, c'est comme si ça n'était pas le même endroit. Ça, Allah nous dit, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى. Donc Allah Azza wa Jal nous parle de la terre, du fait qu'elle est morte, puis il fait descendre sur elle l'eau, et voilà qu'elle reprend, yani avec cela il lui redonne vie. Puis il nous dit, yani vous revenez à la traduction du Coran, dans sourate Fussilat. Puis il nous dit Inna alladhi ahyaha la muhyi al-mauta. Celui qui l'a fait revivre, donc cette terre qui était morte, Tayyib, fera revivre les morts. Fera revivre les morts. En voyant la succession des saisons et l'état des terres, il y a un signe dans cela de la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal, de sa science et de sa parfaite capacité à faire revivre les morts. Naam. وقال حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Dans sourate Al-A'raf, la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des terres et des pays qui sont morts. Puis après avoir fait descendre l'eau sur ces endroits, voici qu'il nous a fait sortir de nombreux fruits et autres. Puis il nous dit, c'est ainsi qu'on fera ressortir les morts. C'est ainsi qu'on fera ressortir les morts, afin que vous vous rappeliez. Tayyib. Et le dernier point, qu'on cite ici, ihya ou ba'di al-mauta fi dunya, que cette chose-là, a déjà eu lieu fi dunya. Allah Azza wa Jalla a fait revivre des morts fi dunya, dans ce bas monde, dans plusieurs endroits du Coran, notamment dans sourate al-Baqara. Lisez le passage après ayatul Kursi, verset 259. فأماته الله مئة عام ثم بعثه. Allah Azza wa Jalla a fait mourir quelqu'un 100 ans puis l'a fait revivre. طيب. Et cette faïda, vous la trouvez dans le tafsir de l'imam al-allama al-mufassir, l'imam al-shinqiti, Muhammad al-Amin, al-shinqiti rahimahullah ta'ala, dans le troisième volume. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit Al-hikmatu taqtadhi al-ba'th ba'da al-maut lil-jaza' wa lawla dhalik la kana al-khalq 'abatha. Ibn Uthaymin nous dit la sagesse veut également cela, c'est-à-dire la résurrection des morts, car dans le cas contraire il n'y aurait pas eu, yani dans le cas contraire la création de toutes ces choses-là n'aurait eu aucun but. Ça, et Allah a rejeté cette hypothèse dans le Coran. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Par exemple, est-ce que l'homme pense qu'on l'a créé sans but, ou plutôt qu'on va le laisser sans but? Tayyib. Aussi, sans ça, ça veut dire que les gens endurent dans le bien, recherchent la vérité, délaissent les muharramat, remplissent leurs obligations par crainte d'Allah, espoir de sa récompense et de sa rencontre, et d'autres se détournent de la vérité, commettent les péchés, délaissent les obligations, et au final ils ont la même finalité. Cela n'est pas conforme avec la sagesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin. طيب. Ensuite l'auteur nous dit والناس إذا ماتوا. طيب. Après cela il nous dit رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. L'auteur nous dit après la résurrection ils seront jugés et rétribués. Ils seront jugés et rétribués. La résurrection, comme on a cité, Allah Azza wa Jal va faire revivre les morts, les faire sortir de leur tombe. Leurs âmes vont revenir dans leur corps, ils vont sortir de leur tombe, d'accord, et venir sur la place du jugement. Après cela, qu'est-ce qu'il y aura? Un des grands événements, Al-Hisab. Il y aura le jugement, la rétribution. Donc l'auteur nous dit, après la résurrection, ils seront jugés et rétribués selon leurs actes. Et cela et la sagesse de la résurrection. Une des sagesses de la résurrection, c'est de juger les gens et de les, na'am, de les rétribuer. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. L'auteur nous dit, à Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui ont commis des péchés selon leurs actes et qu'il récompense ceux qui ont fait le bien par la meilleure des récompenses. قال الله سبحانه وتعالى أيضا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dans sourate les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala également nous cite un verset comprenant ce sens. Il nous parle de la balance qui sera établi le jour de la résurrection. Et il nous cite que nul sera opprimé. Et que la plus petite mesure sera apportée, sera avancée pour ton jugement. Naam. ومن فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه بالعباد أن كتب الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. Et parmi les grands bienfaits d'Allah تبارك وتعالى, sa générosité, sa bonté envers ses serviteurs, le fait qu'il ait décrété que celui qui fait une bonne action recevra 10 fois son équivalent. Tu fais une bonne action, tu reçois 10 fois son équivalent. Jusqu'à 700 fois ou plus. Par contre, celui qui fait une mauvaise action, un péché, ne recevra que son équivalent. Aou yarvir, subhanallah. Tu recevras que la même chose, et cela dans le cas où Allah Azza wa Jal ne t'aura pas effacé ce péché. Subhanallah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban barakan fi. Ceci est un grand bienfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous montre même que celui qui a l'intention, man hamma bil hasana, et il ne l'accomplit pas. Il a la ferme intention de l'accomplir, mais il n'est pas encore passé à l'action. Kutibat lahu hasana kamila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a la ferme intention d'accomplir une bonne action, on lui écrit une récompense complète. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit complète? Pour ceux qui ont assiste à l'explication de l'Arba'in Nawawi avec nous. Hein? Pourquoi complète? Naam, madame. Comment? Jazakallah khair. Pour pas qu'on pense du fait que la personne n'a pas agi, n'est pas passée à l'acte, qu'on va la récompenser mais avec des manquements. Non. Kamila. Pour repousser cette pensée qu'on pourrait avoir, qui est qu'on va nous récompenser, mais on ne nous donnera pas la récompense complète. Ici, on te dit Kamilatan. Alhamdulillah. Puis l'auteur nous dit, وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ. Celui qui renie la résurrection aura mécru. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. La preuve, parole suivante d'Allah, les mécréants prétendent qu'ils ne sont pas, qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis-leur, bien sûr que si, je jure par mon Seigneur que vous serez ressuscités, puis on vous informera de tous vos actes. Et ceci est vraiment très facile pour Allah. في هذه الآية وصف الله سبحانه وتعالى الكافرين بهذا الزعم التكذيب بالبعث. طيب وكفر من كذب بالبعث لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى ولأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui ne croit pas en la résurrection, celui qui dit nous ne serons pas ressuscités après la mort, il n'y a pas de vie après la mort, celui-ci est un mécréant. Il a démenti Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans de nombreux versets, nous informe qu'on sera ressuscité après la mort. Et ce dernier dit non. Subhanallah. Donc il dément Allah tabaraka wa ta'ala. Également, il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menti. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous a parlé de ce qui se passera après la mort et de la résurrection. Et celui qui dément une information émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam aura mécru. Et sachez que ce point, al-ba'th, est une chose sur laquelle toute législation ou bien tous ceux qui sont venus avant nous avaient dans leur religion. D'accord ? Même al-Yahoud, al-Nasara et ceux qui étaient avant eux ont cette croyance. C'est une chose connue de tous. C'est une chose connue de tous. Il n'y a que les adeptes de la philosophie, ceux qui se sont détournés complètement de toute religion, qui ont démenti cela. Qui ont démenti cela. Donc comment est-ce que tu pourrais délaisser la parole d'Allah, ton créateur, et te diriger vers la parole de ces créatures qui ont perdu la raison? Comment est-ce que tu pourrais délaisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et accepter le doute venant de ces créatures qui n'auront aucune part dans l'au-delà s'ils n'embrassent pas l'islam? Wallah al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple وَقَالُوا إِنْ هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. Ou bien l'autre verset plutôt, وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Dans سورة الأنعام, on nous cite la parole qui sera dite à ceux qui ont rejeté la résurrection et démenti ce jour. Et malgré tout, malgré leur mécréance, ils vont assister à ce jour qui sera terrible. Allah nous dit dans le Coran, et ils ont dit, il n'y a que ce bas monde et nous ne serons pas ressuscités. Allah nous dit ensuite, et lorsque tu les verras, lorsqu'ils seront arrêtés devant leur Seigneur, et on leur dira, alors ceci n'était-il pas vérité? Est-ce que cela n'est pas la vérité? Ils diront, mais si, par notre Seigneur. Dans ce bas monde, ils ont démenti. Et ce jour-là, ils vont jurer par Ar-Rabb, par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on leur dira, goûtez au châtiment de par ce que vous avez démenti. Naam. Vous revenez à la traduction. Tayyib. ونتعجب كل العجب من هؤلاء. Et on s'étonne de ces gens-là. حتى إبليس لعنه الله أقر بالبعث. يعني ils ont fait moins bien que إبليس. سبحان الله. الشيطان اللعين أقر بالبعث. وهؤلاء طيب كفروا بالبعث. إبليس qui est inscrit en enfer, qui a été éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait que sa demeure finale sera l'enfer éternellement, même lui a reconnu qu'il y a un jour où on va revenir vers Allah et on sera, dans lequel nous serons jugés. قال الله ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. Ô mon Seigneur, Iblis a dit, ô mon Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce qui a dit cela? Iblis, subhanallah. Iblis a reconnu qu'il y a un jour où on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit ça lorsque Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam et ordonna aux anges de se prosterner. Iblis, lui, vivait avec les anges et avait été rapproché de par sa piété. D'accord? Mais il s'est gonflé d'orgueil et a été jaloux des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accordés à notre père Adam alayhi salam. Aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Il a donc refusé de se prosterner, il s'est enorgueilli, il est donc ainsi devenu, il est donc devenu mécréant. Allah azza wa jal l'a repoussé, éloigné de sa miséricorde et l'a inscrit en enfer. Alors Iblis a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un délai. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la résurrection. Donc malheur à celui qui n'aura pas eu le minimum de croyance que même Shaitan avait. Ou a, Allah musta'an. De ce passage, encore une fois, نستفيد حسن ترتيب الشيخ ودقته في التأليف وذكائه في ذلك ونصحه للمسلمين رحمه الله رحمة واسعة. Ici on voit l'habilité et l'intelligence de l'auteur dans son écrit. Encore une fois. Car, si vous remarquez, il nous a cité que nous sommes mortels. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Idhan dhakar al-maut. Ba'd al-maut, dhakar al-ba'th. Après la mort, il nous a cité la résurrection. Thumma al-hisab wa adillata dhalik. Puis il nous a cité la résurrection, le jugement et les preuves de tout ça. Et après, il nous a cité, après avoir dit les preuves, le jugement de celui qui ne croira pas en tout cela. D'accord? Donc, la mécréance. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. طيب. L'auteur nous dit, Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Huna saqtun. Saqata wa dalil. Ad-dalil. Ici, il, à la deuxième ligne, il manque un mot. C'est le mot dalil en arabe. Après le waou, à la deuxième ligne, il manque le mot dalil. Pour ceux qui ont, bien sûr, le même épître que le mien. D'accord? Et à la troisième ligne, il manque le début, il manque, mada, deux mots. Le verset ici commence wa mundhirin. Ça? Wa mundhirin. Il faut ajouter rusulan mubashirina. D'accord? À la troisième ligne, au début du verset, il faut ajouter rusulan mubashirina. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ورسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. La preuve, parole suivante d'Allah, des messagers, annonciateurs de récompenses et avertisseurs de châtiment, afin que les gens n'aient aucun argument devant Allah après que les messagers aient été envoyés. طيب. مبشرين البشارة والإخبار بما يسر ومنذرين الإنذار والإخبار مع التخويف. Donc مبشرين annonciateurs de bonnes nouvelles, أي لأهل الطاعة, لأهل الطاعة, des messagers annonciateurs de bonnes nouvelles, de récompenses pour qui? Pour les gens qui se ماذا, les gens soumis, ceux qui sont obéissants. ومنذرين avertisseurs, c'est-à-dire, ils mettent en garde contre le châtiment, ils préviennent du châtiment. Et cela pour les gens de la désobéissance. Les gens de la désobéissance. لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَكَذَّبَ رُسُلَهُ لِلْعِقَابِ وَالْعَذَابِ. Ibn Kathir nous dit, donc, ils annoncent la bonne nouvelle aux gens de l'obéissance et ماذا, ils avertissent du châtiment ceux qui contredisent son ordre et démentent les messagers. Ils les avertissent de quoi? D'un châtiment et d'une punition. Donc des messagers annonciateurs de bonnes nouvelles et de récompenses et du paradis et de tout le bien pour les gens de l'obéissance et avertisseurs de châtiment pour les gens de la désobéissance, ceux qui ont démenti les messagers. Taïb. Afin que les gens n'aient aucun argument devant Allah après que les messagers aient été envoyés. Ya'ani li iqamati al-hujja. لإقامة الحجة. إذن من حكمة إرسال الرسل إقامة الحجة. Donc parmi les sagesses de l'envoi des messagers, enlever toute excuse. Enlever toute excuse aux gens. D'accord? Et si Allah Azza wa Jalla n'avait pas envoyé de messagers, il nous informe dans le Coran que ces gens auraient dit: Ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé à un messager qu'on aurait suivi. Voyez. Donc, جاءوا لبيان ما يحبه الله وما يكره لئلا يبقى لمعتذر عذر. Ibn Kathir explique la fin du verset et nous dit, donc ils sont venus nous expliquer ce qu'Allah aime, ce qu'il déteste, afin que ne subsiste aucune excuse pour celui qui en chercherait. وفي الحقيقة كما قال أهل العلم هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لأنهم ما يدركون تفاصيل الشرع بعقولهم وما لله من الأسماء والصفات. طيب. Et en vrai, cela est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, car nous, avec notre raison, n'avons pas la capacité de savoir en détail ce qu'Allah aime, ce qu'il n'aime pas, ses noms, ses attributs, le chemin qui mène à son agrément, afin de l'emprunter, le chemin qui mène à sa colère, afin de s'en éloigner, wahak. On a pu savoir cela que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec l'envoi des messagers, falhamdulillah. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نهاية الحديث ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وفي لفظ من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Saoud, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, à la fin du hadith, il n'y a personne qui aime plus qu'Allah donner des excuses, d'accord, à son serviteur. Mais quand tu es dans un problème, tu essayes de te sortir du problème, hein, et de dire je n'ai pas fait cela à cause de ça, j'ai eu un empêchement, wa'akada. Ben il y a personne qui aime plus ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et c'est pour cela qu'Allah a envoyé des prophètes en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Et dans une autre version, et c'est pour cela qu'Allah a envoyé ses messagers et a révélé ses livres. Donc ici on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers en tant qu'annonciateur et avertisseur, comme l'a dit ici l'auteur rahimahullah ta'ala. Puis il nous dit wa awwaluhum Nuh alayhi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa khatam an-nabiyyin wa ad-dalil ala anna awwalahum Nuh qawluhu ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan-nabiyyin min ba'dih. L'auteur nous dit le premier et le premier d'entre eux est Nuh, c'est-à-dire le premier des messagers aux gens de la terre est Nuh, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et le dernier fut Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. La preuve que Nuh fut le premier des messagers est la parole suivante d'Allah. Nous t'avons inspiré une révélation comme nous le fîmes pour Nuh et les autres prophètes après lui. Hada huwa ash-shahid. Après lui. Tayyib. Wajhu ad-dilala min al-aya. أو الشاهد والنبيين من بعده فدل ذلك على أنه أولهم فدل ذلك على أن أولهم نوح عليه السلام. طيب. Donc ici on nous dit comme nous le fîmes pour Nuh et les autres prophètes après lui. On comprend de cela que Nuh était Amadha, le premier messager. Aussi, de nombreuses ou plusieurs preuves ont été citées dans les textes. Un hadith très connu, le nom hadith de Anas, hadith al-Shafa'a, tayyib, عند al-Bukhari wa Muslim, Adam alayhi salam, إذا جاءه أهل الموقف ليشفع عند الله سبحانه وتعالى لهم ببدء الحساب طيب يقول لهم آدم عليه السلام اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله. طيب أو ائتوا نوحا. وماذا آدم lorsque les نعم les gens seront ressuscités nus, pieds nus, non circoncis comme vous le savez, pieds nus, debout, ils auront à se tenir, debout dans un jour qui durera 50 000 ans et le soleil sera rapproché des têtes, hein, miqadri mil. Les gens vont suer et d'autres seront dans une grande difficulté. Alors, ils vont se concerter et aller voir Adam, le père de l'humanité, afin qu'il intercède pour eux auprès d'Allah, afin qu'il fasse commencer le jugement. Tellement l'attente sera difficile, et tellement ce jour sera terrible. Ils vont dire, donc ils vont aller voir Adam. Adam va leur répondre qu'il ne peut faire cela, d'accord? Et il leur dira, mais rendez-vous auprès de nous, le premier messager qu'Allah envoya aux gens de la terre. Donc ça, c'est une preuve très explicite sur le fait que Nuh est le premier messager qu'Allah envoya. Voyez. Ils iront alors voir Nuh alayhi salam et lui diront Anta awwal رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. Ça c'est encore une preuve explicite, claire. Les gens du jugement dernier, de la place du jugement, iront voir Nuh alayhi salam et lui diront « Oh Nuh, tu es le premier messager qu'Allah envoya aux gens de la terre. » D'accord ? Donc cela a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. ومن هنا علم خطأ من قال إن أول رسول إدريس عليه السلام. Et de cela on comprend l'erreur de certains qui ont prétendu que le premier messager était Idris. Ibn Uthaymin dit carrément que ce qui est apparent, donc c'est évident qu'il n'est pas le premier messager. Mais plus encore, il nous dit que ce qui est apparent, c'est que c'est un des prophètes ou un des messagers de Banu Israël. D'accord? Donc ça, c'est une idée qui s'est propagée, mais qui est erronée. Aussi, lorsqu'on avait étudié la biographie de Nuh, alayhi salam, on avait cité qu'entre Adam et Nuh, Ibn Abbas nous dit qu'il y a eu 10 siècles, qu'ils étaient tous sur At-Tawhid, tous sur l'islam. Et lorsque le shirk a eu lieu, alors Allah envoya Nuh. Ça, c'est encore une preuve. Voyez. Voici la preuve démontrant que Nuh, alayhi salam, est le premier messager. Taïb. وإذا قيل لك فما بال يعني آدم إذن. Si on te demande alors concernant Adam, qu'est-ce que tu répondras? Si on te dit Adam est avant Nuh, donc Nuh n'est pas le premier messager aux gens de la terre, qu'est-ce que tu pourras يعني ما الجواب على ذلك؟ أحسنت. آدم نبي المكلم. آدم عليه السلام c'est un prophète. Adam c'est un prophète, mais le premier messager, hein, c'est qui? Nuh alayhi salam, premier messager aux gens de la terre. طيب اما الدليل على ان محمدا صلى الله عليه وسلم اخرهم قوله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Et la preuve que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est le dernier des prophètes, Allah nous dit dans Sourate Al-Ahzab, les coalisés, Muhammad n'est le père d'aucun de vos fils, aucun de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. طيب. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit de manière claire cette information. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين طيب. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Mon exemple et l'exemple des autres prophètes est semblable, et des autres prophètes avant moi, pardon, est semblable à un homme qui a construit une maison. » De la plus belle manière, excepté l'espace d'une brique dans un coin de cette maison. Et les passants s'étonnent tous de cette maison. D'accord ? C'est une belle maison. Mais se disent, si seulement on avait complété cette construction en mettant la dernière brique. Si seulement on avait complété cette construction en mettant la dernière brique. Ou pourquoi ne pas mettre la dernière brique ? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ben je suis moi. Cette dernière brique. Je suis moi, cette dernière brique. Puis il nous dit, wa huwa shahid, et je suis le dernier des prophètes. Et je suis le dernier des prophètes. Wa fi sahihayn aydan min hadith Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, dans lequel Imam Bukhari et Imam Muslim, un autre hadith nous prouve cela. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à la bataille de Tabuk qui a laissé Madha en responsable Ali derrière lui. Hein, il a mis en tant que responsable Ali. طيب نقول الحديث قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أي علي رضي الله عنه الشجاع أتخلفني مع الصبيان والنساء فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي طيب من بعدي وفي لفظ مسلم لا نبي بعدي. Donc lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est parti à la bataille de Tabuk, il a laissé derrière lui Ali, donc responsable à la ville. Yani à Médine, pour s'occuper des gens. Naam. Ali, radiallahu anhu, dont on connaît tous le courage et la force, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani ça l'a touché. Il voulait accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu vas me laisser ici, avec les enfants et les femmes? Est-ce que tu vas me laisser ici, avec les enfants et les femmes? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le meilleur comportement comme vous le savez, a tranquillisé Ali par des paroles magnifiques, subhanallah. Il lui a dit, n'agrées-tu pas d'avoir la même place par rapport à moi qu'avait Harun par rapport à Moussa? Si ce n'est qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Si ce n'est qu'il n'y aura pas de prophète après moi. De quoi a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici lorsqu'il lui a dit d'avoir la même place que Harun avait par rapport à Moussa vis-à-vis de moi? De quelle histoire il parle sallallahu alayhi wa sallam? Aïwa, lorsque Moussa alayhi sallam est parti à la rencontre de son Seigneur. Tayyib. Ou bien il a miqat et rabbi, plus précisément. Tayyib. Il a laissé qui? Madan responsable chez Banu Israël. Il a laissé Haroun. Hein? Il a laissé Haroun. Wadah. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti à Tabouk, il a laissé Ali. Il lui a dit, mais la différence ici, c'est qu'après moi, il n'y aura pas de prophète. Il n'y aura pas de prophète. Donc, toutes ces preuves sont très claires quant au fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Et on n'a pas dit ici le dernier messager. Pourquoi? Il y a une sagesse dans cela. Et ça a été cité de manière très minutieuse, très précise. Naam. Ahsant. Car tout messager est prophète. Mais ça n'est pas tout prophète qui est messager. Donc, si les textes avaient informé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager, quelqu'un aurait pu venir et prétendre quoi? Oui, c'est le dernier messager, mais moi je suis le dernier prophète. C'est compris? Alors on a dit le dernier prophète. Et ça englobe aussi qui donc? Les messagers. Donc c'est le dernier messager et le dernier prophète. De là, on dit, à partir de là, nous disons que celui qui prétend qu'il y a un prophète ou un messager qui est venu ou qui viendra après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, فهو كافر بالله العظيم وبالرسول. واضح? Celui qui dit qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un prophète ou un messager, ou il peut y avoir un prophète, un messager qui sera envoyé après. Et il aura démenti Allah. Il aura démenti le prophète, sallam. Il n'aura aucune part dans l'islam. Wallahu musta'an. Tayyib. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. L'auteur nous dit ensuite, Allah a envoyé un messager à chaque communauté, de Nuh عليه السلام jusqu'à Muhammad صلى الله عليه وسلم, qui leur ordonnait de n'adorer qu'Allah et leur interdisait d'adorer toute forme de tarot. Taïb. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et la preuve de cela, parole suivante d'Allah, nous avons bel et bien envoyé à chaque communauté un messager qui leur prêchait adorer qu'Allah, écartez-vous du tarot. Et on va expliquer, inshallah, par la suite ce que signifie at-tarot. هذه الكلمة أو هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله تماما بركنيها. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « N'adorez qu'Allah et éloignez-vous du Tawhid. » Ici, il y a le sens de « La ilaha illallah ». Et c'est deux parties, la négation et l'affirmation. La négation et l'affirmation. Tayyib. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أي كل قرن أو يعني وطائفة من الناس. Donc dans chaque communauté, يعني à chaque époque, depuis que le shirk a eu lieu, يعني depuis que le shirk a eu lieu sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé d'envoyer des messagers et des prophètes. De Nuh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel était leur message? À quoi est-ce qu'ils ont appelé? Sur quoi ont-ils basé leur prêche? Quelle fut la chose la plus importante à laquelle, ou quelle était la chose la plus importante à laquelle ils ont prêché? Ani'budullah wajtanibut taghut. Au tawhid. هذا معنى التوحيد النفي والإثبات. لا إله إلا الله هذا معنى لا إله الله نفي استحقاق العبادة والألوهية عن كل ما سوى الله وإثبات ولله وحده لا شريك له. Donc ils sont venus pour appeler leur peuple à لا إله إلا الله car ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت est le sens de لا إله الله. Donc tout messager envoyé est venu pour appeler son peuple à cela. Celui qui a compris ça, wallah, aura compris une chose très importante et compris un des trésors du Coran, un des trésors de la Sunna. Car nombreux sont ceux qui, après avoir mémorisé une bonne partie du Coran ou le Coran tout entier, ou après avoir étudié des années, des dizaines d'années, après avoir mémorisé des hadiths, après avoir appris la langue arabe, de la jurisprudence et d'autres matières, n'ont toujours pas compris quel était le prêche des prophètes et quelle est la meilleure voie empruntée dans le prêche et quelle est la chose à laquelle nous devons accorder la plus grande importance. At-tawhid, la ilaha illallah. Subhanallah, celui qui n'a pas compris ça, wallahi, quel que soit son niveau de science dans les autres matières, il ne sera pas sur la bonne voie. Car il n'aura pas emprunté la même voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la chose la plus importante, c'est la ilaha illallah. C'est tawhid. C'est ce que tu dois étudier en priorité. C'est ce sur quoi tu dois te concentrer en priorité. C'est ce que tu dois le mieux maîtriser. C'est ce que tu dois pratiquer au quotidien autant de fois ou plus que le nombre de fois que tu respires par jour. Taïeb. Et c'est ce à quoi tu dois prêcher. Et c'est sur quoi doit, c'est ce sur quoi doit reposer ton prêche. Subhanallah. Certains frères qui donnent des cours dans des mosquées, lorsque tu les conseilles d'accentuer ce prêche et d'appeler au tawhid en détail, de mettre en garde contre le shirk en détail, ils te disent, mais je fais da'wa ila tawhid. J'ai fait une conférence tel jour sur le tawhid. Yani, ils pensent que da'wa ila tawhid, c'est d'en parler une fois ou deux fois ou cinq fois. Ils n'ont pas compris que l'islam c'est tawhid. Que le Coran c'est tawhid, la sunna c'est tawhid, la salat c'est tawhid, la zakat, la saum, toute la religion c'est tawhid. Il a matin ajhal, هذا الامر العظيم الذي لاجله ارسلت الرسل وانزلت الكتب. Subhanallah. Jusqu'à quand est-ce que les gens vont ignorer cette vérité pour laquelle on nous a créés, pour laquelle on a envoyé les messagers et on a révélé les livres, créé le paradis, créer l'enfer pour la ilaha illallah, pour être tawhid. Subhanallah. Nas'Allah yahdiyana wa thabbitana. Allahumma ahdina wa saddidna. L'auteur, un autre verset qui témoigne également de cela, ni le fait que dans chaque communauté on a envoyé un messager. قَالُوا تَعَالَى وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Il n'y a pas une communauté sans qu'elle n'ait reçu d'avertisseur. طيب. Encore une fois, on voit le ماذا l'intelligence de l'auteur رحمه الله تعالى dans le ماذا l'ordre du livre. Tayyib. Il nous a cité l'envoi des messagers, leur mission, la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés, puis le premier d'entre eux, le dernier d'entre eux. Donc ici, il convenait de citer quel était leur message, à quoi est-ce qu'ils ont appelé. Tayyib, farahimahullahu ta'ala. L'auteur, ensuite, rahimahullahu ta'ala, nous dit, وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ. Voici ici la dernière partie du livre. Tayyib. Wallahi, Allah Azza wa Jalla, ou par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on ressent, ou pour ma part, je ressens tellement de délices dans l'étude et la transmission de cette matière, quelle aqidah, que c'est comme si on avait une phobie de finir le livre et de passer à autre chose. Tayyib. Mais alhamdulillah, on peut finir le livre et recommencer le livre. Hein? Et le finir encore une troisième fois et recommencer encore une quatrième fois, bi'idhnillah. Et lorsqu'on, j'ai annoncé qu'on allait refaire l'usul thalatha, il y a de cela combien de temps? Ça fait un mois, une semaine, deux semaines environ comme ça. Un ou plusieurs frères sont étonnés, ont dit, mais pourquoi tu refais l'usul thalatha? Je dis, pardon, pourquoi est-ce que je refais l'usul thalatha? Subhanallah. Car le sujet qui est cité, Allah Azza wa Jalla l'a cité, et l'a recité, et l'a recité, alors nous on le cite, on le recite, et on le recite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité, l'a recité, l'a recité à nouveau. Alors nous on le cite, on le recite, on le cite à nouveau. Car nous sommes dans l'épreuve. Et le test final sera dans la tombe. Donc on ne cesse de se le rappeler afin de réussir. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on réponde convenablement en question dans la tombe. Man rabbuk ma dinuk, man nabiyuk. Le jour où tu vas répondre à ces questions, bi'idhnillah, avec une bonne réponse, wallahi, tu seras content d'avoir étudié une fois, deux fois, et le nombre de fois qu'il le faudra. Et la dernière réponse qu'Allah Azza wa Jalla m'a facilité était de dire qu'on suit le chemin des ulama. Al-imam, al-allama, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous est parvenu des savants qu'il l'a enseigné 100 fois dans une ville lorsqu'il était qadi. 100 fois. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a enseigné le livre Al-Usul al-Thalatha 100 fois. Et si mes souvenirs sont bons, c'est pas en tout qu'il l'a enseigné 100 fois. 100 fois, c'est dans une ville. Subhanallah. Et celui qui a compris l'importance du tawhid, il n'a pas le malal. Yani, il ne se lasse pas. Il ne se lasse pas. Lorsque tu es dans une assise et tu parles de tawhid, tu parles de quoi? Tu parles de qui? Tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu parles du droit d'Allah sur ses serviteurs. Haqqullahi ala al-ibad. Tu parles de la sagesse pour laquelle tu as été créé. De la sagesse pour laquelle on a révélé les livres, on a envoyé les messages. Fa'anta fi khayr. Tu es dans une assise de bien. Insha'Allahu ta'ala. Tayyib. Donc, l'auteur nous dit, وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Allah a prescrit à toutes ses créatures l'obligation de renier toute forme de tarot et de croire en Allah. هذا معنى لا إله إلا الله. Encore une fois, voici le sens de لا إله إلا الله, la négation et l'affirmation. هنا يبين الشيخ معنى التوحيد ولا إله إلا الله. Ici, l'auteur nous explique et nous démontre le sens du tawhid et le sens de la ilaha illallah. Et il nous enseigne ici une chose très importante. C'est que la foi du serviteur ne sera pas bonne tant que, yani même s'il croit en Allah, tant qu'il n'aura pas renié le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah et qu'il n'aura pas mécru au tarot sous toutes ses formes. Ça ne suffit pas d'adorer Allah Azza wa Jal, car Kuffar Quraysh adorait Allah, mais avec lui, autrui. Comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala, dans l'étude de l'Qawaid al-Arba'a, à partir de demain ou de la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Taïb, At-Tarut ou Luratan, Mushtaqun min At-Turyan, alladhi huwa Mujawazatul had. At-tahut, ça vient de al-turyan, qui veut dire dépasser les limites. Dépasser les limites. Donc ceci est dans, pour ce qui est de la langue arabe. على سبيل المثال قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية الطاغوت اصطلاحا فسر بعدة تفاسير ولا تناف بينها الطاغوت a été expliqué par يعني de plusieurs manières. طيب قيل هو الشيطان قيل السحر قيل غير ذلك. طيب ماذا donc التاغوت a été expliqué par plusieurs choses comme étant par exemple الشيطان comme étant la sorcellerie طيب les devins et d'autres choses. Ça c'est ce qu'on appelle التفسير بالمثال, hein, c'est expliquer une chose par un exemple, d'accord, par un exemple. وقال أهل العلم أحسنوا التعريف طيب تعريف العلامة محمد بن أبي بكر. Et les savants ont dit que la meilleure définition est la définition de Muhammad ibn Abi Bakr. Qui est Muhammad ibn Abi Bakr? Hein? Qui est Muhammad ibn Abi Bakr? Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, Allah s'il hukum. Hein? Tellement qu'il est connu par cette appellation que les gens, beaucoup d'entre eux, ignorent son prénom. D'accord? Et on l'appelait Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Car son père, hein, était responsable d'une école. Ça veut dire ça, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. C'était le nom, al-Jawziyyah. Ibn al-Qayyim, donc, c'était son père, Qayyim hadil madrasa. Sinon, son nom est Muhammad ibn Abi Bakr, rahimahullah ta'ala. ذكر تعريف الطاغوت في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. Donc ce qui a été cité ici par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala est pris du livre d'Ibn al-Qayyim إعلام الموقعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, le tarot, c'est tout ce qui est adoré, suivi ou obéi et qui amène la créature d'Allah à enfreindre les limites qu'on lui a imposées. D'accord? Donc il y a une relation entre le sens linguistique et le sens expliqué ici. C'est que tarot, ça vient de Turyan, qui est le fait de dépasser les limites. D'accord? Ben, dans la religion, on dira, on utilisera ce mot-là lorsque les limites seront dépassées, que ce soit dans l'adoration, dans le suivi ou dans l'obéissance. طيب. أي من غير الصالحين. طيب. Celui sur qui on dépasse les limites au point de l'adorandeur d'Allah Azza wa Jal, si c'est quelqu'un de pieux, on ne l'appellera pas tarot, car il est innocent de cela. Qu'est-ce qui est un exemple? Qu'est-ce qui a adoré, mais qui est quelqu'un de bien? Donc on ne dit pas que c'est un tarot. Hein? Et Isa alayhi salam. Al-Nasara, par exemple, adore Isa alayhi salam. Et Isa est innocent de cela. Il leur a dit, adorez Allah, mon Seigneur, et le vôtre. Il leur a dit, dites la ilaha illallah. Et eux ont exagéré sur Isa alayhi salam au point de dire, huwa ibnullah. Subhanallah. Au point de dire, thalithu thalath. طيب et certains ont même dit هو الله نفسه تعالى الله عما يقولون. طيب donc fait de dépasser les limites, que ce soit dans l'adoration comme الأصنام, طيب comme الأصنام, les idoles, on appelle ça تاروت. طيب et يعني كل ما عبد وهو راض. Et toute chose qui est adorée et qui a agréé cela. Toute personne qui a agréé, toute personne qui est adorée et qui est d'accord avec cela sera un taout. Revenons au sens linguistique. C'est le fait de dépasser les limites. Quelle était la limite de cette personne? C'est quoi notre limite à nous? Hein? C'est d'être un abdoul lillah. Ta limite, ton niveau à toi, c'est d'être un serviteur d'Allah. Ça? Allah nous a créés, nous sommes ses créatures, nous sommes des serviteurs d'Allah. Celui qui accepte qu'on l'adore, est-ce qu'il a dépassé sa limite ou pas? Il a dépassé sa limite. Sa limite, c'était lui d'être un esclave d'Allah, un serviteur d'Allah. Ben cet homme, cette personne-là agrée, lui, d'être une divinité qui est adorée, avec ou en dehors d'Allah, alors ça sera un taout. L'auteur nous dit, au matbou', dans le suivi. Dans le suivi. On ne doit suivre les gens, ou appeler les gens à nous suivre, que dans le suivi du droit chemin. Chemin d'Allah, chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui appelle les gens, hein, à tourner autour des tombes, à égorger pour les morts, et autres, d'accord? Ça, c'est un taout. Il appelle les gens à dépasser les limites. Ou bien obéi, comme Amada, ceux qui ont le commandement ou les gouverneurs qui rendent halal ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram, puis on les suit dans cela, ou rendent haram Amada, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu halal. Ulama su aydan الدعاة إلى الشرك. Aussi les savants mada de l'égarement, ceux qui appellent les gens au polythéisme et à sortir de la voie droite. قال شيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى يعني كل شيء يتعدى بالعبد حده أي قدره الذي ينبغي له في الشرع ويسير به طاغوتا سواء تعدى حده من معبود مع الله بأي نوع من أنواع العبادة أو متبوع في معاصي الله أو مطاع من دون الله في تحليل وتحريم بأن كان يحرم ما أحل الله ويحلل ما حرم الله. Cheikh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala pour expliquer la parole d'Ibn al-Qayyim. Le taroul, c'est tout ce qui est adoré, suivi ou obéi et qui amène les créatures d'Allah à enfreindre les limites qu'on lui a imposées. Il nous explique cette parole en disant, il entend par cela, c'est-à-dire Ibn al-Qayyim, le fait que le serviteur transgresse les limites qui lui ont été fixés dans la religion, pour devenir ainsi un taout. Que ce soit dans le fait de dépasser les limites dans l'adoration, donc le fait d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de recevoir une adoration ou une part de l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le suivi, donc dans le mauvais chemin, dans les péchés, ou que ce soit dans l'obéissance en dehors d'Allah, dans le fait de rendre halal ou de rendre haram. C'est-à-dire, il rend haram ce qu'Allah a rendu halal, et il rend halal ce qu'Allah a rendu haram. طيب. ثم قال المؤلف يعني تتم ماذا تتم كلام ابن القيم وماذا والطواغيت هو جمع الطاغوت والطواغيت كثيرون ورؤوس خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله. Ibn al-Qayyim nous dit les tawarit sont très nombreux et les principaux sont nombre de 5. Iblis, donc Satan qu'Allah le maudisse, celui qui a adoré et approuve cela. Troisièmement, celui qui appelle les gens à l'adorer. Quatrièmement, celui qui prétend connaître l'invisible. Et cinquièmement, celui qui ne gouverne pas selon les lois qu'Allah a révélées. La preuve, la parole suivante d'Allah, nulle contrainte dans la religion, car le droit chemin est bien distinct de l'égarement. Celui qui renie le tarot et croit en Allah, s'est donc accroché à la tâche la plus sûre. Ce verset traduit le sens de la ilaha illallah. Donc, les têtes du Tawarit sont nombre de 5. Premièrement, Iblis, car c'est lui qui à la base, et il englobe 3 formes de Tawarit. Iblis est Shaitan, Ar-Rajim, celui qui était avec les anges, puis a refusé de se prosterner devant Adam, puis Allah Azza wa Jalla exclut sa miséricorde. ورأسهم وسبب إغوائهم الشيطان إبليس c'est la tête du tarot et c'est lui qui pousse les gens dans cela. Deuxièmement, من عبد وهو راض بهذا القيد celui qui adore en dehors d'Allah ou avec Allah et qui approuve cela. C'est un tarot. Par contre, s'il est adoré en dehors d'Allah, mais il interdit cela, il se désavoue de cela, il ne sera pas considéré comme un tarot à l'image de Isa alayhi salam, par exemple, Maryam alayhi salam, ils ont été adorés en dehors d'Allah, mais ils sont innocents. Ils sont innocents de cela. قال ابن عثيمين وسواء يعني عبد في حياته وبعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. Ibn Uthaymeen a dit qu'il soit adoré de son vivant ou après sa mort. S'il était satisfait de cela, il rentre dans le tawarit. Troisièmement, man da'a an-nas ila ibadati nafsi. Celui qui appelle les gens à l'adorer. Il dit aux gens d'adorer sa propre personne. Donc lui est pire que le précédent. Car le précédent n'a pas invité les gens à l'adorer. Mais lorsqu'ils l'ont adoré, il a agréé cela. Il a accepté cela. C'est un tarot. Mais pire que lui, celui qui invite les gens à l'adorer. Ça, c'est encore pire. Tayyib. قال ابن عثيمين وإن لم يعبدوه. Ibn Uthaymeen a dit même si ils ne répondent pas à son appel, celui qui appelle les gens à l'adorer en dehors d'Allah, même si les gens ne le font pas, c'est un tarot. Quatrièmement, من دعا شيئا من علم الغيب. Celui qui prétend connaître une chose de l'invisible. Ce qu'on entend ici par la science de l'invisible, c'est la science que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, car la science de l'invisible est de 2 sortes. Ce qui est caché pour un tel, mais ne l'est pas pour telle autre personne. Tu peux toi ignorer une chose, mais ton voisin peut la connaître. D'accord ? Et il y a un deuxième type de science de l'invisible, ce sont les choses que personne ne connaît en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala, ensuite, peut informer certaines de ses créatures de cette science, comme à travers la révélation, il l'a fait pour certains de ses messagers et prophètes. On va s'arrêter sur ça. Il reste un court passage, mais pour ne pas être pressé ou stressé, je préfère m'arrêter ainsi. والحمد لله الذي بيتتم الصالحات وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا واشف المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.